3. On était alors à la 6e lune du mois de Misévène. Moi en tête. À cette époque, tous les collèges de druides de l'Armorique, ceux de Calonnèse, Belle-Île, d'Ouxantis, île d'Ouessant, de Douarnenez, de Bas et de la Pointe du Raz, avaient coutume de se réunir auprès d'un lieu nommé Carnoc pour accomplir des sacrifices. Cette fois, le but de la réunion avait une importance extraordinaire. Depuis quelque temps, les chevaux blancs, élevés dans les bocages sacrés, hennissaient d'une façon lugubre, ce qui annonçait que la patrie était en danger. Le lieu choisi pour le rendez-vous était situé entre la mer et les vastes forêts qui couvraient alors la plus grande partie de la Gaule. Il était circonscrit par un cercle de pierres nommé Cromlech. D'un côté s'étendaient sur 11 lignes parallèles les 4000 menhirs de Carnoc, plantés debout comme autant d'obélisques grossiers et dont le nombre s'accroissait d'une pierre à chaque renouvellement de cette annuelle cérémonie. De l'autre, on apercevait quelques galgales, sortes de tombeaux gigantesques formés des cailloux que chacun des conviés aux funérailles était obligé d'apporter et de jeter sur le cadavre du mort. El-Hirbad, éternel génie, le chef des druides, se tenait debout sur un dolmen, table merveilleuse, composée d'une seule et immense pierre posée horizontalement sur d'autres pierres verticales, profondément enfoncées dans le sol. Il était couvert d'une tunique de laine blanche d'une extrême finesse. Sa ceinture était d'or, il portait des bracelets de même métal, une couronne de chêne et de lierre ceignait sa tête vénérable, de longs cheveux blancs retombaient sur ses épaules et leurs anneaux se mêlaient à la barbe argentée qui couvrait sa poitrine. Il avait les pieds nus et cachait modestement ses mains sous les plis d'un manteau de même étoffe que sa tunique et rayé de pourpre. À sa droite étaient rangés ses compagnons, vêtus comme lui de laine blanche et chaussés de sandales pentagonales, mais sans couronne ni bracelet. À sa gauche se tenaient les 9 vierges de l'île de Sechoun, île de Seine, et les 9 prêtresses du mont Bélène, mont Saint-Michel. Les premières, vouées à la chasteté, vendaient le vent aux navigateurs, les secondes avaient le don de calmer les tempêtes, en faisant lancer des flèches dans la mer par un jeune adolescent qui venait perdre chez elle sa virginité et s'en retournait couvert d'autant de coquillages qu'il avait de foi invoqué leur puissance. Leurs vêtements étaient blancs, et leurs voiles, d'un tissu transparent et léger, rejetés avec grâce sur leurs épaules, laissaient apercevoir des charmes que les regards profanes avaient rarement l'occasion de regarder. Une Heldeda, sublimité, la grande prêtresse, couronnée de verveine, une faucille d'or à la main, parée comme le chef des druides de la ceinture et des bracelets d'or, se distinguait aisément au milieu d'elle par la richesse de son costume et par sa beauté. Elles avaient apporté en grande pompe, dans un voile éclatant de blancheur, le gui, le sélage et la verveine. Ces plantes sacrées étaient recueillies chacune suivant un rite particulier. Le gui était coupé sur l'arbre avec une serpe d'or. Le sélage était brisé avec la main droite et la verveine arrachée du sol avec la main gauche. De plus, on ne pouvait faire cette opération qu'après de grandes purifications, les pieds nus et à la clarté de la lune. Le voile qui les contenait était déposé dans une arche d'or portée par 2 taureaux sans tache liés l'un à l'autre par les cornes. Auprès des prêtresses étaient groupés les bardes, ces prêtres, poètes et musiciens à la fois, archives vivantes de l'histoire nationale, formaient toujours leur cortège. Ils tenaient d'une main une hache et de l'autre la rotte, sorte d'instrument avec lequel ils s'accompagnaient lorsqu'ils chantaient les hymnes saintes ou la gloire des héros. Enfin, sur le premier plan, on voyait les ovates, ou devins, chargés de présider au sacrifice et de prédire l'avenir. Au milieu de ce cercle sacré, une jeune vierge blanche et nue, sans autre vêtement que ses cheveux, qui, dénoués et flottants, couvraient en grande partie ses épaules, était agenouillée sur un rocher creusé en forme de bassin. C'était la victime. Triste, résignée, aucune plainte ne sortait de sa poitrine, mais, affaissée sur elle-même, la tête penchée, les mains jointes, elle versait d'abondantes larmes qui tombaient en perles luisantes sur ses genoux. Plus loin, en dehors de la sainte assemblée, la foule nombreuse et recueillie attendait le sacrifice dans un grave et religieux silence. Mais l'heure n'était pas encore venue. Il était d'usage de n'interroger le sort qu'à l'heure de minuit. et Al-Hirbad, le chef des druides, les yeux levés au ciel, suivait avec attention la marche de la lune, tout prêt à donner le signal dès que cet astre annoncerait le milieu de la nuit. Ce signal ne se fit pas attendre. Tout à coup, et Al-Hirbad leva les bras. Au même moment, un grand bruit se fit entendre. C'était le vent qui, docile à l'évocation du grand prêtre, accourait du fond de ses cavernes. Aussitôt, les arbres de la forêt se ployèrent en craquant, la mer poussa un mugissement sinistre, les pelvens, les menhirs, les cromlechs, toutes les pierres qui garnissaient la plage tremblèrent en sifflant avec furie, puis un calme plat succéda à cette bourrasque passagère, le silence se rétablit et la cérémonie commença. Alors un barde s'avança au pied du grand prêtre, il déposa sa hache sur le sol et prenant sa rote, il chanta, suivant la coutume, une triade dans laquelle étaient retracés les différents mythes de la religion druidique. « Dianaf, dit-il, est le dieu inconnu. C'est un pur esprit dégagé de toute matière. Il a été représenté sur la terre par un être créé qui porte le nom de I, surnommé Hofbraz, ou le Grand. Hofbraz est le symbole du dieu inconnu. Il porte aussi le nom de Cadvalader. Il est le premier des druides. Hofbraz, le chef suprême, est tout-puissant et monté sur un char composé des rayons du soleil. L'arc-en-ciel lui sert de ceinture. Ses bœufs sont conduits dans les terres par 5 génies. Ils ont des harnais d'or et de flammes et sont attachés avec une chaîne d'or. Hofbraz habitait un lieu appelé Penlen, situé à l'extrémité d'un lac immense nommé Eli Elion ou Len Leanes, le lac des lacs ou le lac des prêtresses. Les eaux élevées de ce lac menaçaient incessamment de submerger la terre, toutefois de fortes digues la protégeaient contre l'inondation. Mais un castor, qui travaillait depuis longtemps à percer les digues, y parvint un jour et les eaux couvrirent la face de la terre. Toute la race humaine périt, excepté Duiman, homme, et Duimesh, fille, sa femme, qui se sauvèrent dans un vaisseau sans voile que la prévoyance de Hofbraz avait préparé d'avance. Ce vaisseau portait un couple de chaque espèce d'animaux. Cependant, la terre était enfoncée sous les eaux. Il fallait la retirer. Hofbraz possédait 2 bœufs superbes. Il leur commanda de s'atteler à la terre et de l'arracher à l'abîme. Les bœufs obéirent et ramenèrent la terre à la surface du lac. Après avoir achevé cette première partie de sa triade, le barde s'arrêta un instant pour se remettre et il reprit presque aussitôt. Hofbraz avait pour femme une enchanteresse nommée Séridgwen, dont il eut 3 enfants. D'abord un fils nommé Morvran, le corbeau de la mer, le chef des navigateurs. Puis une fille appelée Kresviou, le milieu de l'œuf, le symbole de la vie, la plus belle qui fut au monde. Et enfin un deuxième fils du nom d'Avagdou, le castor noir, l'ignorant, le plus hideux de tous les êtres. Séridgwen, affligée de l'imperfection de son dernier enfant, se détermina à lui préparer, dans le vase à Zenladour du sacrifice, un breuvage qui le rendit digne de sa naissance et de son rang. Le petit Gouillon, fils du héros de l'Anver, fut chargé de surveiller la préparation du vase mystique. Un aveugle, nommé Morda, reçut l'ordre d'entretenir le feu sous le vase et de le faire bouillir sans interruption jusqu'à l'expiration d'un an et un jour. L'année allait expirer lorsqu'il arriva qu'une trop vive ébullition fit sortir du vase mystique 3 gouttes de l'eau miraculeuse qui tombèrent sur le doigt de Gouillon le petit. Le reste s'épandit à terre et le vase se brisa. La chaleur de l'eau obligea le petit Gouillon de porter son doigt à sa bouche. À peine les 3 gouttes précieuses eurent-elles touché ses lèvres que l'avenir se découvrit à ses yeux et il vit clairement tout ce qu'il avait à craindre de la colère de Séridgwen. En effet, Séridgwen entra à l'instant, et sa colère fut sans borne quand elle vit que tout son travail d'une année était perdu. Gouillon, pour fuir plus promptement, se changea en lièvre, mais Séridgwen devint une levrette à l'instant et le chassa vigoureusement jusqu'au bord d'une rivière. Le petit Gouillon sauta dans le courant et prit la forme d'un poisson, mais Séridgwen se changea en loutre et ne cessa de le poursuivre. Gouillon alors se métamorphosa en oiseau, mais Séridgwen devint sur le champ un épervier et plana bientôt au-dessus de sa tête. enfin Gouillon, désespéré, ayant aperçu au-dessous de lui un monceau de pur froment sur une aire, se laissa tomber au milieu et prit la figure d'un simple grain de blé. Mais Cyril Gwen devint une poule noire, à crête vive et brillante. Elle descendit sur le tas de froment, le remua en grattant, et découvrit enfin le pauvre petit Gouillon qu'elle avala. Aussitôt Cyril Gwen devint enceinte. Iof Braz condamna d'avance à la mort le rejeton de cette singulière aventure, mais lorsqu'il fut né, Cyril Gwen trouva l'enfant si joli qu'elle ne put se résoudre à le faire périr. Iof Braz, toujours sage, lui conseilla de le placer dans un berceau, recouvert d'une peau, et de le lancer à la mer. Cyril Gwen écouta et suivit cet avis. Ici, le barde s'arrêta de nouveau, et après quelques instants de recueillement, il acheva ainsi sa triade. En ce temps-là, le réservoir de Gwydno, placé près du rivage, non loin de son château, lui donnait chaque année, le soir du 1er de Mahé, une quantité immense de poissons dont il retirait un bon prix. Gwydno n'avait qu'un fils, nommé Helin. C'était le plus malheureux des hommes. Rien ne pouvait lui réussir, ce qui causait une grande affliction à son père, qui le croyait né à une heure fatale. Les conseillers de Gwydno l'engagèrent à laisser son fils faire pour une fois l'épuisage du réservoir. C'était, suivant eux, une expérience convenable, et peut-être le sort lui réservait-il quelque faveur. Le soir du 1er mai venu, Elphine vida le réservoir et n'y trouva rien. Mais comme il s'en revenait tristement, il aperçut un berceau couvert d'une peau arrêté sur l'empellement de l'écluse. « Le malheur vous suit partout, lui dit un des éclusiers. Vous avez détruit la vertu du réservoir dans lequel on prenait toujours, le soir du 1er mai, une quantité immense de poissons. « Peut-être, répondit Elphine, ce berceau vaut-il mieux ?» La peau qui couvrait le berceau fut enlevée et l'on découvrit un enfant charmant qui se mit aussitôt à sourire et dit « Je suis Taliesin. Front radieux, toutes les sciences ont leur source dans mon sein. Je sais tout ce qui a été et tout ce qui doit être. » Jusqu'à présent, Elphine a été le plus malheureux des hommes, mais à partir de ce moment, il aura toutes sortes de bonheur, parce qu'il a eu celui de me voir. » Lorsque ce récit allégorique fut terminé, tous les assistants, suivant la coutume armoricaine, se couchèrent sur le côté gauche pour prier. À un nouveau signal du grand prêtre, chacun se releva, et Al-Hirbad passa trois fois la main sur sa barbe, le sacrificateur s'approcha de la victime. Mais, au moment où il allait l'immoler, une femme fendit la foule et vint se prosterner aux pieds du chef des druides. « Al-Hirbad, dit-elle, en désignant la jeune fille, « cet enfant est le mien. C'est moi qui l'ai plongé dans l'eau froide le jour de sa naissance. Si sa mort est nécessaire au salut de la patrie, je te l'abandonne sans regret. Cependant, je désire, avant qu'on l'immole, que tu promettes de me faire donner un de ses doigts, afin que je me souvienne d'elle, puisque c'est ainsi que nous avons coutume d'agir à l'égard des morts. » Et Al-Hirbad fit un signe d'assentiment, et la pauvre mère s'étant retirée, le sacrificateur frappa violemment la victime avec sa hache. Elle tomba en poussant un seul cri. Aussitôt, les ovates se précipitèrent sur elle pour examiner la plaie, tandis que la foule empressée considérait le sang qui descendait jusqu'à elle par une petite rigole creusée exprès. À peine les ovates eurent-ils jeté les yeux sur la victime qu'ils levèrent les bras au ciel en poussant des cris de désespoir. L'un d'eux s'avança vers le chef des druides. « Grand chef, dit-il à voix basse, nous sommes menacés d'un épouvantable malheur. Une fois déjà, nous avons vu notre pays envahi par les Romains, et notre culte banni des villes, réduit à se cacher dans l'ombre des forêts. Du moins, nous avons conservé notre puissance sur le peuple. Et en dépit des dieux barbares que ces maîtres altiers nous imposaient par la violence, Dianaf est resté le vrai dieu de l'Armorique. En ce moment, un nouveau conquérant s'apprête à fondre sur nous. C'est un enfant de l'île d'Albion, et par conséquent, un des fils de nos pères. Son langage et ses mœurs sont les nôtres, mais il apporte avec lui une religion qui renversera vos croyances. La croix est son emblème, et si l'oracle dit vrai, elle doit un jour se dresser triomphante sur tous nos autels. » À ces mots, le grand prêtre frémit de tous ses membres. Une consternation profonde se répandit sur son visage. Il demeura pensif pendant quelques instants, puis, tournant tout à coup un front inspiré vers les assistants, « Enfant, dit-il d'une voix tonnante, un étranger menace en ce moment la vieille Armorique. Sans aucun doute, Dianaf est irrité contre nous. Tâchons d'abord de le toucher par nos prières, et qu'ensuite chacun s'armant du geste. Le geste était un morceau de bois creusé, à l'aide duquel on lançait une sorte de poignard, ou du matar. Le matar était une hache de pierre, s'apprête à marcher contre l'ennemi de la patrie. Cela dit, et Al-Hirbad descendit de son dolmen. Les druides arrachèrent d'un rocher voisin une pierre gigantesque, qu'ils plantèrent auprès des menhirs déjà élevés sur la plage. Les ovates allumèrent un bûcher sur lequel ils brûlèrent les restes de la victime. Les prêtresses, s'étant pris les mains, exécutèrent autour de l'arche des danses bizarres. Les bardes entonnèrent un chant guerrier, puis ces diverses cérémonies achevées, chacun reprit le chemin de son collège et disparut dans les profondeurs impénétrables de la forêt. Quelques jours après, tout le pays soulevé par les chants de ces bardes était en armes et attendait l'arrivée de Conan et de Maxime, qui débarquèrent bientôt avec leurs troupes dans le havre d'Oxysmore. Saint-Paul de Léon.